Haroun star, star, star, Minnesota, tension, NSO tap, tension, un sort tap, pression. Au rap, j'pose mes gars sur table, ma présentation. Lui c'est moi, ce black, black, lui c'est moi, ce black, black, on se braque pour des plats, plats. Les flingues c'est fascinant, nan, lui c'est nain, mais c'est nain, mais c'est nain. Porte-toi qu'on se braque pour des plats, plats. Les flingues c'est fascinant, nan, lui c'est nain, mais c'est nain, mais c'est nain. Porte-toi. Gapsa, c'est pas hip hop, elle est l'absa. New school gangsta, ouais, miss les mots. Et oui, c'est les mots. V, reste immobile, wak MC l'insta. Des mots, play mots. B, non, te fixer du 6 bull dans la rabat mobile. C'est HS, moi et mon beat, ma boule. Viens dans ma bulle, et si c'est ma beat, ma poule. Nous y sont, c'est le peu dans pôle. Position, pose du son. Wakadam son s'accroche au son des mauvais garçons. MGS en exposition. Des boules, des boîtes, mon épaule explose. Ton pif, tu kiffes, nous on kiffe. Des textes posés sur des yeufs, yeufs. Je représentais même les yeufs. Les refs et les meufs, nickel les keufs. Et ma télépo, cassé pour. Casserait dans des pots, HS appelé les peuples, les pocs, les putes, les potes, y'en a plus des yachts en vue, mais casse ta puce, serre à la vie. Sors ton vice, viens ici, rôde des boutas, pourquoi pour ton compte, tu boucas, j'boucas, j'peux te l'aveu qu'à moi, fils. D'immigré du Jembo, da de l'bouca, mystique, ray, amène la pute, un butin, on t'encule, but. Visez-moi, s'black, black, visez-moi, s'black, black, visez-moi, visez-moi, visez-moi, s'black, black, visez-moi, s'black, black, NSO des black, black, NSO, NSO, NSO des black, black, on s'braque pour des plats. Bla, les flingues c'est fascinant, nan, lui c'est nain, mais c'est nain, lui c'est nain. Porte-toi qu'on se braque pour des plats, bla, les flingues c'est fascinant, nan, lui c'est nain, mais c'est nain, mais c'est nain. Porte-toi, on m'a dit que tu deal est dans ma tombe. Et oui, je suis dans la combine, ma combinaison depuis que je suis né. Écoute ma voix dans ta compile, on m'a mis la fraîche pour des cantines. Quand est-ce qu'on dîne, un grand pas vers le dîne. Tout ne fait que s'empirer à des copines, quand est-ce qu'on pine. Je soulève le bin, bin, t'es trop j'black. Mais si c'est faux black, crois qu'avec son bling, bling, il met des claps, j'ai le braque, bang. Bang. Au bio, au tiraille, faut que je représente mon pays. On black, pas non, c'est pas la peine. Un galsen de plus. Un africain dans le taxi, brousse, brousse ou des cas rapides. Trop de comédie, speed, pousse, pousse, piston. Pousse, pousse, fiston. Trop de bonhommes de piste, un bon piston, pistolet. Puisqu'on est là pour rigoler, les pieds sur les bifetons. Pour qu'un refton, renifton. Zeyo, l'oiseux, heyo, la poisseux. Rêve de voir Louis Vuitton passer en grosse caisse dans ton coffre pour s'offrir la belle vie. Évitons les coffres, les filles, ça va être dur, dur. Haroun star, star, star, Minnesota, tension, NSO tap, tension, un sort tap, pression. Au rap, j'pose mes gars sur table, ma présentation. Lui c'est moi, ce black, black, lui c'est moi, ce black, black, on se braque pour des plats, plats. Les flingues c'est fascinant, nain, lui c'est nain, mais c'est nain, mais c'est nain. Porte-toi qu'on se braque pour des plats, plats. Les flingues c'est fascinant, nain, lui c'est nain, mais c'est nain, mais c'est nain. Porte-toi. Ils n'en peuvent plus, on s'est multiplié de pire en pire. Bonhomme, c'est nos pères sous la terre de leur empire. J'ai la bonne feature, feature, le beat qui tue les petites putes, on est dur. Viens tester les burnes, la NSO mange du bitume, y'a peu de pâture. Vol de voiture number one. L'époque n'est plus qu'elle était, l'époque n'est plus qu'elle était. Si tes potes sont des putes, je vais les scalper, grosse qualité. Street, la strict réalité. Viens calibrer mon street album, mon album, c'est de la bombe. Un rap où t'as l'épée dans les pompes, et vas-y, bombe, bombe. Ici pop, ici il pompe. Mes potes ton ciel pompe. Pour couper les ponts, je réponds. Le couplet s'il est bon, je réponds et prends pas. Ici, ici on règne, en tout cas pas en manque de cons, mais manquant des comptes. Un coup d'état, on les entend. Et si tu crois qu'on rappe en plaisantant, rare on s'indiquera une mésentente. Et les faux, pacha, pacha. Ça sent le 60, sachant que ça fait 10 ans. Haroun star, star, star, Minnesota, tension, NSO tap, tension, un sort tap, pression. Au rap, j'pose mes gars sur table, ma présentation. Lui c'est moi, ce black, black. Lui c'est moi, ce black, black. On se braque pour des plats, plats. Les flingues c'est fascinant, nain. Lui c'est nain, mais c'est nain, mais c'est nain. Porte-toi qu'on se braque pour des plats, plats. Les flingues c'est fascinant, nain. Lui c'est nain, mais c'est nain, mais c'est nain. Porte-toi.